Eh bien voilà, c'était le titre Fame sur RGM. Il est un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 25 juin 1945, naissance de Carly Simon, chanteuse américaine, notamment connue pour le titre You Are So Vain, dont on écoute tout de suite un extrait. The party like you were walking onto a yacht. Your hat strategically dipped below one eye. Your scarf, it was apricot. You had one eye in the mirror as you watched yourself gavotte. And all the girls dreamed that they'd be your partner. They'd be your partner, and you're so vain. You probably think this song is about you. You're so vain. I'll bet you think this song is about you. Don't you? Don't you? Voilà pour l'extrait de Carly Simon. On va rester en chanson puisque 1954, c'était la naissance de David Peck, claviériste américain du groupe Toto, dont on écoute tout de suite un extrait de leur titre Africa. Voilà pour l'extrait du titre Africa. Allez, on continue les anniversaires. 1961, naissance de Ricky Gervais, humoriste acteur britannique, connu pour son rôle de Monsieur McPhee dans La Nuit au Musée 1, 2 et 3. 1964, naissance d'Erica Gimbel, actrice chanteuse américaine, connue pour avoir interprété le personnage de Coco dans la série Téléfame et avoir chanté la chanson du générique. Vue également dans les séries Urgence, Roswell, Esprit Criminel, Grey's Anatomy ou encore Chicago Med. 1968, naissance de Pierre-François Martin Laval, acteur, réalisateur, metteur en scène français, vu dans La Fille sur le pont, La Vérité si je mens 2, La Tour Montparnasse infernale, Astérix Obélix Mission Cléopâtre, Un ticket pour l'espace, Les Vacances de Ducobu dans le rôle du père de Ducobu, Les Profs 1 et 2 dans le rôle d'Antoine Polochon, Gaston Lagaffe dans le rôle de Prunelle, réalisateur et scénariste du film Les Profs 1 et 2 et de Gaston Lagaffe. 1969, naissance de Cyril Aubin, acteur français connu pour son rôle de Johnny dans la série télé Le Miel et les Abeilles et son rôle de Benoît dans les séries télé Les Filles d'à côté et Les Nouvelles Filles d'à côté. On continue. 1971, naissance de Bruno Guillon, animateur radio français et télé également, qui présente depuis le 1er février 2018 la célèbre émission Les Amours. C'est également l'année de naissance d'Angela Kinsey, actrice américaine connue pour son rôle d'Angela Martin dans la série télé The Office. 1972, naissance de Mike Roger, musicien canadien du groupe Nickelback. 1975, naissance d'Albert Costa, ancien joueur de tennis espagnol, ayant fait carrière de 1993 à 2006, qui a été numéro 6 mondial en 2002, qui a gagné une fois Roland-Garros, quart de finaliste à l'Open d'Australie, 8e de finaliste à l'US Open et 32e de finaliste à Wimbledon. Aux Jeux Olympiques, il a remporté une médaille de bronze bronze en double. Il a également remporté une Coupe Davis en 2000 et une World Team Cup en 97. 1979, naissance de Busy Phillips, actrice américaine vue au cinéma dans FBI, fausse blonde infiltrée, Ce que pensent les hommes, à la télévision dans Freaks and Geeks, Dawson dans le rôle d'Audrey Liddell, Urgence dans le rôle du docteur Hope Bobek, Cougar Town dans le rôle de Laurie Keller. 1980, naissance de Philippe Lachaud, comédien, réalisateur, scénariste, animateur télé français, vu dans Paris à tout prix, Babysitting 1 et 2 dans le rôle de Franck Amory, Alibi.com dans le rôle de Grégory Van Uffel, Jour J, Épouse-moi mon pote dans le rôle de Fred, brillantissime, Nicky Larson et le parfum de Cupidon dans le rôle de Nicky Larson, scénariste de Paris à tout prix, Babysitting 1 et 2, Alibi.com, Jour J et Nicky Larson, réalisateur de Babysitting 1 et 2, Alibi.com et Nicky Larson. 1982, naissance de Mirai Yuzny, ancien joueur de tennis russe ayant fait carrière de 1999 à 2018, qui a été numéro 8 mondial en 2008, demi-finaliste à l'US Open, quart de finaliste à l'Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon, et il a remporté avec la Russie deux Coupes Davis, c'était en 2002 et 2006. 1991, naissance de Christa Terré, actrice française, révélée par son rôle de Lola dans le film LOL. En 2002, naissance de Mason Valcotton, acteur américain connu pour son rôle d'MJ Delfino dans la série télé Desperate Housewives. En 1894, décédé Sadi Carnot, qui fut président de la République française de 1887 à 1894. En 1997, décédé Jacques-Yves Cousteau, explorateur océanographique français, qui fut membre d'ailleurs de l'Académie française. En 2009, décédé Farrah Fawcett, actrice américaine vue à la télévision dans L'Homme qui valait 3 milliards, ou encore la série Drôle de Dame, dans le rôle de Jill Monroe. La même année, décédé Michael Jackson, chanteur américain. Et en 2015, décédé Patrick McNee, acteur britanno-américain, vu dans Dangereusement Vôtre, la série télé Chapeau Melon et Bottes de Cuir, dans le rôle de John Steed. Allez, tout de suite, on s'écoute le groupe Nickelback avec leur titre Are You Remind Me. Never made it as a wise man, I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man, I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. You remind me of what I really am. This is how Nickelback avec leur titre Are You With Me sur le 107 FM. Un peu plus de 8h47 et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Bon, comme je vous le disais en début d'émission, il fait chaud. Journée ensoleillée aujourd'hui, des températures comprises entre 21 et 22 degrés ce matin, entre 32 et 34 degrés prévus pour cet après-midi. Mercredi sera encore une journée ensoleillée, des températures comprises entre 20 et 21 degrés le matin, entre 36 et jusqu'à 38 degrés prévus pour mercredi après-midi. Et jeudi, du soleil, des températures comprises entre 21 et 22 degrés le matin et entre 34 et 36 degrés prévus pour jeudi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on commence bien évidemment, honneur aux dames, avec la Coupe du Monde féminine. États-Unis ont battu les Espagnols hier après-midi 2-1. Il y aura donc bel et bien ce quart de finale que tout le monde voulait, que tout le monde attendait. France-États-Unis, ce sera vendredi soir, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et hier soir, la Suède a battu le Canada 1-0. Aujourd'hui, l'Italie affronte la Chine et les Pays-Bas seront opposés au Japon. Et football toujours avec l'Euro U21. La France a fait match nul 0 partout hier face à la Roumanie. Mais ce match nul, eh bien, qualifie les Français pour les demi-finales. Ce sera jeudi face à l'Espagne et qualifie également la France pour les Jeux Olympiques de 2020. Bravo les Bleus! Les Bleuets en tout cas. On parle maintenant tennis avec le tournoi d'Antalya. Hier, la qualification d'Humbert en 2-7, 6-3, 7-5 face à Delbonis. Aujourd'hui, Manarino affrontera Carbayes Baena. À Eastbourne, les matchs de Jérémy Chardy et d'Alizé Cornet ont été suspendus. Ils reprendront aujourd'hui. Et aujourd'hui, côté messieurs, on ajoute le match de Gilles Simon face à Sandgren et de Pierre-Hugues Herbert opposé à Feliciano Lopez. Hier, premier tour des qualifications pour Wimbledon. Et côté français, eh bien, à noter les qualifications de Kwako, Alice, Barrère, Ohang et Moutet. En revanche, élimination de Janvier, Lestienne et Nicolas Mahut également. Et au programme aujourd'hui, eh bien, ce sont des Françaises qu'on va suivre à Wimbledon pour ce tour de qualification, puisque Océane Dodin affrontera à Radanovic, Amandine S sera opposée à Zromkova, Paquet affrontera Taylor, Georges sera opposée à Zara et Poncher affrontera Trevisan. Et aux Jeux européens, 4 nouvelles médailles hier, dont 2 en or. En basket 3x3, l'équipe de France féminine a été sacrée donc en or. Au trampoline individuel féminin, médaille d'or pour Léa Labrousse. Judo, 2 médailles de bronze pour côté féminin Madeleine Malonga et côté messieurs Cyril Marais. Voilà pour l'actu sportive. Tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Michael Jackson et le titre Billie Jean. She was my